Aujourd'hui c'est jour de colère, le peuple défile dans les rues. Moi j'étais d'humeur solidaire, alors je suis descendu. On manque toujours d'effectifs dans les manifs. Se bouger le cul pour une cause, en marchant sur le même chemin, essayer de changer les choses, et même quand ça ne change rien, c'est beau l'esprit collectif dans les manifs. Sous les pancartes et les drapeaux, y'a ceux qui pensent qu'ils ont raison, et cachés derrière leurs carreaux, y'a ceux qui se disent que c'est des cons. Dommage que tout soit relatif dans les manifs. L'amour, pas la guerre. Et ramener des préservatifs